ce qu'appelle à moi pour essayer de constituer un gouvernement d'entente et de concorde, j'ai répondu à cet appel. Je ne peux pas encore vous dire si je réussirai ou non. Ça dépendra de ceux à qui je vais demander de faire une trêve.